Le livre 19 traite des plantes potagères et autres plantes utiles, telles le lin. Le filtre est solide et presque plus régulier qu'un fil d'araignée. Il rend un son aigu si on veut en faire l'épreuve avec les dents. Aussi se vend-il le double des autres. Élément de base du vélum, le voile, le lin a servi à protéger les spectateurs des théâtres et amphithéâtres, mais aussi, sous César, le forum entier et la voie sacrée, qui menait au Capitole, où se dressait le temple dédié à Junon, Jupiter et Minerve. D'où ce commentaire de Pline. Quel changement dans les mœurs, depuis le temps de Caton le censeur, qui voulait que le forum fût pavé de cailloux pointus.